l'hybride vampire-loup qu'on a également vu, qui est le plus développé de la saga de Julie Play, qu'on a vu en Vampire Diaries Originals, surtout par deux personnages qui sont Tyler Lockwood et Klaus Mikkelsen. Donc bien sûr, ils possèdent tous les deux les pouvoirs des deux espèces. Ils ont les yeux jaunes quand ils se mettent en colère, qui est à la base une caractéristique du loup, mais qui garde en tant qu'hybride. Et en fait, c'est ça qui m'a donné l'idée que quand mes monstres sont énervés, ont des yeux d'une certaine couleur. Sauf que moi, chaque espèce a des yeux d'une certaine couleur quand il est en colère. Alors que dans la saga de Julie Play, il n'y a que les loups et hybrides de ce type qui ont les yeux qui changent de couleur. Et en plus, à chaque fois, c'est en jaune. Alors que le fait d'être un hybride, ils auraient pu quand même essayer d'imaginer une autre couleur. Donc la morsure de l'hybride est fatale aux vampires. Il peut se transformer en loup comme il le souhaite, quand il veut, mais ça reste très douloureux. Donc en général, ils le font pas. Et il se tue comme un simple loup. Du juste arrachage de cœur ou décapitation. Sauf l'hybride originel, donc Klaus, qui pour le tuer, ce qu'il faut, c'est le pieu de chêne blanc. Pour ceux qui connaissent la série, c'est un pieu spécial pour tuer les originels. Ensuite, dans mes romans, cet hybride-là, il est pareil. Vous avez les pouvoirs du loup, du vampire. Lui, par contre, les yeux tournent au rouge quand ils sont en colère. Bien sûr, il peut se transformer en loup quand il le souhaite, mais c'est très douloureux également. Sa morsure est fatale au vampire. Par contre, pour le tuer, on a deux manières. Donc, pour les hybrides normaux, c'est pareil. On le tue comme un simple loup-garou, ou un sorcier, ou un humain. On le décapite, on lui arrache le cœur, enfin... Voilà. Mais dans le cas des hybrides originels de cette espèce, il faut un pieu spécial pour les tuer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un vampire originel qui ne fait pas partie de la famille Strahlk, qui apparaîtra dans un tome spécial entre originel et descendant, mais il utilise un pieu spécial pour tuer ce vampire originel. Et c'est celui-ci qu'on doit utiliser pour tuer les hybrides originels de cette espèce dont je vais parler dans deux petites minutes. Mais voilà, deux façons qui, comme pour dans la série, dépendent de si on a un originel ou non. Donc en exemple dans mes romans, on a Marcel et Maria Strahlk, qui sont dans cet ordre le 7e et 8e enfant de la famille Strahlk, donc qui sont tout simplement nés sans le gène de sorcier de leur mère, mais avec le gène loup-garou de leur père, qui est resté quand ils ont été transformés en vampire. Après, niveau caractère, c'est pareil dans mes romans. Enfin, là, quand la famille Strahlk est toujours formée par binôme, enfin, pour les 8 enfants, chaque fois ils fonctionnent par binôme. Chaque fois, il y en a un qui est plutôt cool, l'autre qui est moins cool. Sauf pour le dernier duo qu'on verra. Mais Marcel Strahlk est plutôt cool, gentil, le gentil des deux. Sauf si on l'énerve. Quant à Maria Strahlk, c'est plus. Je vais pas dire que c'est une bimbo, mais c'est un peu une petite princesse. C'est vraiment la dernière de la famille, la petite préférée des parents, comme à chaque fois, hein, le petit dernier, le trois quarts du temps, c'est le préféré. En plus, elle sort avec le héros des romans pendant plus de 1000 ans. Voilà, ils vont vivre pas mal d'aventures ensemble et tout ça, qui vont conforter son arrogance et tout ça. Enfin, voilà. Jusqu'à ce qu'elle le trahisse et qu'elle se retrouve enfermée pendant un siècle dans une prison magique, qui va tout de suite calmer son ego. Et ensuite, on a un autre hybride. Donc, dans Vampire Diaries, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vampire qui est mordu par un loup, normalement, il meurt au bout d'un certain temps. Sauf si Klaus décide de donner son sang, qui est le remède à la morsure. Dans mes romans, j'ai repris un peu le même système, avec cet hybride Ellie Aurel, qui fait partie d'une famille de trois hybrides, mais elle est le seul à pouvoir soigner avec son sang. Mais contrairement à Klaus, Ellie Aurel, bon, déjà, les gens qu'elle aime pas, elle va pas les soigner. Elle va juste soigner les gens qu'elle aime bien. Alors que Klaus, lui, il va soigner, entre guillemets, n'importe qui, tant qu'il y a un intérêt ou quelque chose qui va l'aider pour plus tard. Donc c'est un peu la différence entre les deux personnages.